Chapitre 5e. Les graines et les fruits. Que peut-il y avoir dans ce jardin? C'est bien ce monsieur Perroton qui a trouvé moyen de bleuir les hortensias, n'est-ce pas, Albert? Oui, ma chère amie, mais n'allez pas si vite. Le chemin est mauvais, rien ne presse. Nous sommes en avance, et le jardin de monsieur Perroton ne s'envolera pas. La vicomtesse modéra l'allure de son beau cheval noir, mais ce fut à regret, tant elle désirait voir la merveille annoncée. Enfin, ils aperçurent la maison jaune, la treille, et s'approchant du mur couronné de clématites et de jasmin, la vicomtesse regarda dans le petit jardin et fit un cri d'étonnement. « Un pavot bleu, oh que c'est joli !» Ils ne pouvaient en croire leurs yeux. « Je veux le voir de près !» s'écria la jeune dame. « Tenez mon cheval, Geoffroy !» Elle sauta légèrement à terre, sans attendre qu'on lui offrît la main, et relevant sa longue jupe, courut sonner à la porte de la maison. Miette vint ouvrir, tout effarée. « Ma bonne, dit madame de Mertrieux, je voudrais parler à monsieur Perroton. Il est indisposé, madame, et garde la chambre. Mais si c'est pour affaire, je vais le prévenir. Allez-y, je vous prie, je n'ai qu'un mot à lui dire, quelque chose qui lui fera plaisir. » Charmé par l'air gracieux de la jeune dame, Miette monta bien vite et monsieur de Mertrieux dit à sa femme « Vous allez déranger ce bonhomme, madame. Ne vaudrait-il pas mieux que j'y allasse seule ?»« Non, vous n'en tirerez rien. C'est un original, une espèce d'ermite. Je veux l'apprivoiser et l'amener à me vendre des graines de son pavot, et s'il se peut, à m'en donner une fleur, que je porterai à la pélonnière. Les châtelains en seraient si étonnés. » Monsieur attend, madame, dit Miette, qui en un tour de main avait rangé la chambre et caché le bonnet de coton, et s'effaça discrètement pour laisser entrer les visiteurs. Monsieur Perroton, qui était la politesse même, se confondit en salut, offrit ses deux fauteuils à ses hôtes, et allait leur demander à quoi ils devaient l'honneur de leur visite, lorsque la jeune dame s'en expliqua tout franchement et avec une telle grâce que le bonhomme, loin de faire le miclot et le renchéri, lui promit des graines, sitôt mûres, et ouvrant la fenêtre, lui fit admirer le pavot bleu. « Mais, monsieur, s'écria le vicomte, vous êtes mille fois trop bon. Ces graines auront une grande valeur, et je vais vous offrir. Rien, rien, monsieur le vicomte, j'ai autrefois travaillé pour madame votre grand-mère. » Elle me fit dessiner toutes les étoffes de son ameublement lorsqu'elle s'installa à place Bellecour. C'était une femme de goût, une femme bien charmante. Je suis trop heureux d'être agréable à ses petits-enfants. Aussitôt les graines mûres, madame en recevra une petite boîte. J'en enverrai aussi à la duchesse d'Angoulême et à monseigneur notre archevêque. Monsieur Perroton, dit la jeune dame, qui était un peu bien enfant gâté, ne pourriez-vous me donner un bouton de ce pavot, un bouton entrouvert, pour le montrer à mes amis de la pélonnière? Je suis au désespoir de vous refuser, madame. Mais si nous voulons avoir de la graine, il ne faut pas couper les fleurs. C'est juste. Me permettez-vous d'amener ici ces dames? Oh, bien volontiers, madame. Elles sont si aimées dans tout le pays que leur visite me fera honneur et plaisir. Il se mit à tousser, et le vicomte, craignant de l'avoir fatigué, prit congé en le remerciant et emmena la jeune dame. En redescendant, elle pria Miette de la laisser entrer au jardin et lui glissa une pièce de 5 francs dans la main. Miette voulut la refuser, mais légère comme un oiseau, la vicomtesse était déjà au jardin. Le pavot était si parfaitement imité, si bien implanté sur la tige, qu'elle n'eut pas le moindre soupçon. « Quel plaisir j'aurai à posséder l'année prochaine une si belle fleur, » dit-elle. Son mari l'appelait. Elle partit et en disant un mot d'adieu à Miette, elle ajouta « Monsieur Perroton m'a promis des graines. » Le jour où vous me les apporterez, ma bonne, je vous donnerai 2 louis. » La probité de Miette se révolta et elle s'écria « Des graines? N'y comptez pas, madame, vous n'en aurez point. » « J'espère bien en avoir, ma bonne, vous aurez 3 louis. » Et posant son petit pied sur les mains croisées de Geoffroy, elle s'élança en selle et partit au galop. Blandine avait tout entendu de sa chambre. Elle descendit, consternée, et dit à Miette « Vous voyez où cela conduit, un petit mensonge? Cette belle dame si causeuse ébruitera la prétendue merveille. Tous les curieux du pays vont accourir. Elle en croira que nous avons voulu tromper les gens ou nous moquer de mon parrain. Que faire ?»« Que faire ?» dit Miette. « Et c'est bien simple. Madame de Vertrieux est à la pélonnière. Allez-y, contez-lui la chose et ce sera fini. Je me charge d'apaiser monsieur. Allons, habillez-vous et partez. Allez toute seule à la pélonnière, je n'oserais pas. Pourquoi non? C'est la maison du bon Dieu. » Il y a des demoiselles de votre âge, pieuses comme des anges. On vous recevra bien. Allez, vous dis-je, et vite. Et reportez les 100 sous à cette belle Amazone. En conscience, je ne puis les garder. Blandine alla mettre sa robe des dimanches, son chapeau de paille garni de rubans blancs, et posant dans un petit panier le second pavot bleu qu'elle venait de finir, elle s'achemina vers la pélonnière. En sonnant à la grille, son cœur battait bien fort. Elle allait, après tout, faire une commission bien désagréable. Le domestique, en lui ouvrant, lui dit qu'on était à table. « J'attendrai, » dit Blandine, « je voudrais parler à madame de Vertrieux. Je la préviendrai, mademoiselle. Asseyez-vous dans la salle d'ombrage. » Il offrit une chaise avec la politesse d'un valet de bonne maison et rentra au logis. Blandine prit patience en regardant les fleurs et la rivière. Son attente ne fut pas longue. Aussitôt avertie, la jeune dame s'était excusée près de la maîtresse de la maison et avait dit « Je vais me débarrasser de cette jeune personne. C'est quelque solliciteuse, une femme de chambre peut-être. On sait que j'en cherche une. » Elle se rendit au jardin et aperçut sous les arbres la svelte jeune fille qui vint à sa rencontre et timidement lui expliqua le sujet de sa visite. En l'écoutant, la jeune vicomtesse rougissait, se pinçait les lèvres et du talon de sa bottine creusait et frappait le sable de la terrasse. Blandine, balbutiant et changeant de couleur à chaque instant, avait l'air d'une coupable. Aussi la vicomtesse douta tout d'abord et ne tarda pas à l'interrompre. « Une fleur artificielle, ce pavot. Vous ne me ferez pas croire cela, ma petite. La vieille bonne ne veut pas que son maître en donne des graines, et elle a imaginé ce conte pour m'empêcher d'en avoir. C'est bien. J'écrirai à M. Perroton, ou je retournerai le voir. Donnez les 5 francs aux pauvres. Adieu. » Blandine, indignée d'être prise pour une menteuse, retrouva sa présence d'esprit et, avec cette éloquence que donne une émotion vive, raconta si bien l'histoire du pavot dérobé par Miette que la jeune dame sourit et se laissait déjà convaincre lorsque, pour dernier argument, Blandine tira de son panier le pavot de soie et le présenta à Madame de Vertrieux. Elle alors de s'extasier sur la perfection du travail et de prendre la fleur. « Attendez-moi là, » dit-elle, et courant vers la maison, elle alla montrer le chef-d'œuvre à toute la compagnie. On sortait de table, et les convives se rendirent dans la salle d'ombrage et voulurent tous complimenter la jeune fleuriste. Elle fut trouvée charmante. Séance tenante, toutes les dames lui commandèrent qui une couronne de roses, qui des bouquets blancs pour la Sainte Vierge, qui une guirlande de géranium et de réséda. Toutes prirent son adresse à Lyon, et madame de Vertrieux lui acheta 10 francs son pavot bleu pour avoir le plaisir d'attraper ses amis comme elle avait été attrapée elle-même. Blandine retourna joyeuse chez M. Perroton. Miette souhaita la fête au bonhomme, chanta son couplet, lui offrit ses pantoufles et lui servit un excellent petit dîner. Blandine donna ses bouquets un peu diminués à son parrain, l'embrassa, lui conta sa visite à la pélonnière et le bonhomme, étourdi par ce caquet aimable, ce bon dîner et un verre de vin de Sainte-Foy, se consola fort bien de sa déconvenue. « J'ai manqué mon coup cette fois, » dit-il, « mais l'an prochain, vous verrez. Allons, Miette, versez-nous encore une goutte de ce bon vieux vin. À la santé du pavot bleu. À la vôtre, parrain, à la vôtre, monsieur, » dirent les deux convives de M. Perroton. « À la santé de Pierre, Blandine. Je m'en veux faire beaucoup de dessins, toi beaucoup de fleurs, et nous rachèterons le jeune soldat l'année prochaine. À tes noces, ma fille. » Ils trinquèrent joyeusement, et le soir de ce jour-là, lorsque tous les feux de la Saint-Jean s'allumèrent sur les coteaux et au fond des vallées et se reflétèrent dans les eaux paisibles de la verte Saône, Blandine resta longtemps à sa fenêtre, regardant tantôt les lueurs passagères des feux de joie, tantôt l'immobile et sereine clarté des étoiles, et faisant de beaux projets et des rêves de bonheur qui se réalisèrent moins de 2 ans plus tard et dépassèrent ses modestes espérances. Ainsi s'achève Le Pavot Bleu par Julie Lavergne.